Como decía, Dabadi es un importante guionista y dialoguista del cine francés. Colaboró en varias películas con el gran director Claude Sauté, que realizó Les choses de la vie, Las cosas de la vida, con como protagonistas Michel Piccoli y Romy Schneider, que interpretan en la película La chanson d'Hélène, La canción de Elena, también escrita por él. Esta noche somos septiembre y he cerrado mi dormitorio. El sol ya no entrará en él. Ya no me quieres. Nos tenemos que dejar. Los aviones se irán sin nosotros. Ya no sé quererte, Hélène. Escuchemos la chanson d'Hélène, cantada por Romy Schneider y acompañada por Michel Piccoli del año 1970. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. La Vamos a escuchar ahora una intérprete nueva en este programa, pero que a sus 72 años lleva unos 130 millones de discos vendidos en el mundo, cantados en 11 idiomas en más de 50 años de carrera, dos de ellos solo en español. Estoy hablando de Mireille Mathieu, quizás la cantante francesa con más potencia de voz. Mayor de 14 hermanos de una familia modesta que ha conseguido imponerse como la voz de Francia en el exterior, cantando delante del mismísimo Putin o de Reagan, pero que en Francia no suscita, digamos, la unanimidad. Dabadi le escribió, entre otras canciones, C'était dimanche, era domingo. Era domingo, ella creía que iba a ser su día de la suerte. Bailaba en vestido blanco, él le sonreía, le decía las palabras que siempre se dicen. Se fueron en la noche, la han encontrado en la calle, desvanecida, y la gente habla de ella, siempre son los demás que se aman. solo fue un día más que llovió. Escuchemos Cete Dimanche, cantado por Mireille Mathieu, del año 1971. Là-bas, dans la ruelle, les gens parlent tout bas d'elle. Elle est si belle, on dit qu'elle est un peu folle. Depuis le jour où elle pleura d'amour à l'âge de l'école. C'était dimanche, elle croyait que ce serait jour de chance. Elle dansait, elle tournait en robe blanche. C'était dimanche, il souriait, il lui disait les mêmes mots, les mots qui traînent dans les rengaines sur les pianos. C'était dimanche, je le voyais se noyer dans le tourbillon. L'accordéon se prenait pour un violon. Ils sont partis dans cette nuit, c'était dimanche. Je sais seulement qu'il a plu. Toute la nuit, on l'a trouvé dans la rue. Évanouie, et les gens parlent d'elle là-bas dans la ruelle. C'était dimanche, elle croyait que ce serait un jour de chance. Dimanche, il souriait, il lui disait les mêmes mots, les mots qui traînent dans les rengaines sur les pianos. C'était dimanche, ça s'est passé dans une rue comme toutes les rues, les violons et le garçon disparus. Ça s'est passé dans un amour comme tous les jours, ce sont toujours, toujours les mêmes qui s'aiment. C'était dimanche. Petula Clark, que descubrimos también aquí, tiene 86 años. Nació en Inglaterra, pero en los años 60 y 70 fue un artista de primer nivel en la canción francesa, lo que compaginó con una carrera internacional, sobre todo en inglés, con algún éxito mundial como Downtown y su actuación en unas 30 películas. Escuchemos dans la ville, en la ciudad. En la ciudad, un hombre se va entre 100.000. Una ventana queda abierta, es la mía, porque espero a este hombre a que venga. Y lo veo, está abajo, la ciudad es como el amor de un hombre y de una mujer. Escuchemos dans la ville, cantado por Petula Clark, del año 1973. Dans la ville, la foule bouge, le ciel est rouge, quelle heure est-il? Dans la ville, un homme file parmi 100 000 automobiles. Dans la ville, une fenêtre reste ouverte et c'est la mienne. Parce que cet homme, c'est mon homme, j'attends qu'il vienne. On s'est brûlé, on s'est quitté. Mais soudain, ce matin sonne le téléphone, c'était mon homme. Et la ville vit.

moi. El mismo año escribió para la veterana Regine, con ya 50 años, colaborando con Polnareff para la música, Moi, mes histoires, yo, mis historias, que cuenta la fragilidad y las dudas de una mujer de esa edad. Yo, mis historias, soy la última que se las cree. Entonces me hago hijos, amantes, un pasado, mis historias cogen el lugar de lo que se rompe en mi memoria. Los recuerdos hacen lo que pueden, algunos cantan y los demás los inventamos. Escuchemos Moi, mes histoires, cantado por Regine, del año 1978. Qu'est-ce que tu crois? Les miroirs nous séparent. J'y vois mon âge et ma vie. Tu n'y vois que ton visage. Moi, mon image, je la sais de passage. Alors, je me fais des enfants, des amants, un passé où je serais passé. Mes histoires, elles remplacent ce qui se casse. Amour brisé, amitié déchirée. Moi, mes histoires, certains soirs, je les raconte au miroir. Alors, bien sûr, tu peux voir la fêlure. Et sur ces blessures, je refais les peintures de ma vie lorsque j'en ai envie. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, les souvenirs font ce qu'ils peuvent. Et certains chantent, et les autres, on les invente. Moi, mes histoires, certains soirs, c'est moi la dernière à y croire. Alors, bien sûr, tu peux voir la fêlure. Dabadi solo ha escrito dos canciones para Yves Montand, ya sexagenario, Pero en ese momento, triunfando durante más de 3 meses cada día en el Olimpia, con su disco Montant de ayer y de hoy, del que vamos a escuchar el segundo tema, L'Addition, en el que Dabadi y Montant suman y restan lo que pueda darse de sí de toda una vida. Días felices, más de un sollozo y todo el tiempo roto que llamamos el pasado, más de una bomba en una, no, más una bomba en una escuela. El avión no lo hizo a propósito. Más amigos en la casa, más las luchas, el corazón latiendo, las derrotas secretas. Sigue la esperanza en los demás, menos los que aún no han nacido, más el desconocido de la ventana, igual un hombre en equilibrio, sobre 3 versos de Prévert, pero son versos libres. Escuchemos L'Addition, que significa el recuento, creo que no lo he dicho, del año 1980. Des jours heureux, une colombe, des soirs qui tombent, un regard bleu, plus un sanglot, plus un violon. La vie est tout ce temps cassé que l'on appelle le passé, plus l'avenir en dit le son de nos prophètes bénévoles, plus une bombe sur une école. Et les oiseaux qui chantent après, l'avion ne l'a pas fait exprès. Plus les amis dans la maison, moins ceux qui pour toujours s'en vont. Les enfants sont déjà devant, ôtés de moi, ôtés de nous. Il ne nous reste pas beaucoup. Plus des combats, le cœur qui bat, les défaites souvent secrètes, et tous les doutes qu'on redoute. Mais quand on a perdu le nôtre, il y a encore l'espoir des autres. Multipliés par les idées, divisés par tous les mots d'ordre, certains finissent par confondre, certains ne peuvent pas répondre. Bouche sans cri au bout d'une corde. Et plus la pluie et le beau temps et l'herbe qui pousse entre temps, plus tous les désobéissants qui ne veulent plus se mettre en rang, les enfants sont déjà devant. Moins ceux qui sont encore à naître, plus l'inconnu dans la fenêtre, et plus l'amour de quelques-uns, et plus ou moins de quelques-unes. Je pose tout, je retiens une. Égal, égal un homme en équilibre, sur 3 verres de Prévert, mais ce sont des vers libres. Seguimos con otro artista nuevo en este programa, el gigante de la canción quebequesa, Robert Charlebois. Allí una leyenda viva, 74 años, junto con Félix Leclerc y Gil Vigneault, es el trío de oro de la canción quebequesa. El más joven de los tres, y digamos el más rock y el más loco. De su disco número 14 escucharemos Les chiffres parlent, los números hablan. A Dabadi decididamente le gustan las cuentas. Me bajaba del Quebec Toulouse, un tren que no puede existir. Estadísticamente había una posibilidad sobre 4.618.000 que te encuentre bajo este reloj que indicaba medianoche menos 12. Vuelvas, vuelvas. La tierra gira, los números hablan, mi cabeza da vueltas. Nada sirvió suplicarte, te has ido. ¿Con quién? Ok, un jugador de hockey. Mi cabeza baila. Me muero. Escuchemos Les chiffres parlent, cantado por Robert Charlebois en el año 1981. Descendait du Québec Toulouse. Statistiquement, il y avait une chance sur 4 628 que je te rencontre sous cette grande montre qui marquait juste minuit moins 12. Reviens, reviens. T'étais là dans la foule en fuite. Chaussée tennis, coiffée caniche sous une affiche en majuscule entre une virgule et un zéro. Prenez de l'emprunt cocorico. Reviens, reviens, la terre tourne. Les chiffres parlent, reviens, méchante, la terre tourne. Les chiffres chantent, reviens, je t'en prie, ma tête tourne. Les chiffres gris, reviens, je meurs, ma tête tourne. Les chiffres pleurent. Paraît que 60% des hommes aujourd'hui ne sont pas des hommes. Une dame sur deux n'est pas une femme. Et 1 000 000 000 de Russes tranquilles seront chinois en l'an 2000. Reviens, reviens. Les chiffres parlent, les chiffres se battent. J'ai voulu te multiplier, te faire un enfant 2 fois par an. Je pose mon 3, j'abaisse mon 4. Ça m'en faisait 13 ans, 6 ans. Reviens, reviens. Reviens, reviens, la terre tourne. Les chiffres parlent, reviens, méchante, la terre tourne. Les chiffres chantent, reviens, je te dis, ma tête tourne. Les chiffres crient, silence, écoute, la terre tourne. Les chiffres dansent. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Hey! Eh bien, danse maintenant. Et j'ai eu beau te supplier. T'es parti, je sais avec qui. Ok, c'est un joueur de hockey, mais j'ai relevé son numéro. 1, 2, 1, 5, ici dans le dos. Reviens, reviens. Reviens, reviens, ma terre tourne. Les chiffres parlent, reviens, je te dis, reviens, méchant. Les chiffres chantent, reviens, je t'en prie, ma tête tourne. Les chiffres crient, reviens, je meurs, ma tête tourne. Les chiffres pleurent, silence, écoute, la terre tourne. Les chiffres dansent, silence, écoute, les chiffres tournent. Ma tête danse, reviens, je meurs, les chiffres parlent, les chiffres pleurent. Reviens, reviens, les chiffres sautent, les chiffres claquent, les chiffres montent, les chiffres tombent, les chiffres courent, les chiffres mordent, les chiffres cognent, les chiffres smash, les chiffres saignent, les chiffres craquent, les chiffres tuent, les chiffres dansent. Richard Cocciante es un artista peculiar. Nació en Saigón, cuando Vietnam era una colonia francesa, de un padre italiano y de una madre francesa, por lo que su lengua materna es el francés. A los 11 años, la familia emigra a Roma y tiene que aprender el italiano. Desarrolla una carrera de cantante entre 2 países, y en 3 lenguas también canta en inglés. De Amadir ha hecho una canción a medida, como suele hacer, ¿no? Le mot France, la palabra Francia, en la que evoca su apego a Francia y la importancia para él de esa palabra. En Saigón tuve mi infancia y mi madre, que era maestra, lo decía suavemente la palabra Francia. Basta con estar lejos o solo para que se te estreche el corazón cuando escuchas la palabra Francia. Era maestra en la escuela, escribíamos estas palabras: casa, justicia y libertad, esperanza, ríos, castillos, rosas y campos, Francia. Escuchemos Le Mot France, cantado por Richard Cocciante, del año 1986. France, je suis né plus loin, beaucoup plus loin qu'on pense. C'est à Saigon que j'ai eu mon enfance. Et ma mère là-bas le disait doucement: le mot France, le mot France, France. Le temps s'est enfui, mais je le sais depuis. Il suffit d'être loin ou seulement d'être seul pour avoir le cœur serré quand on entend le mot France, le mot France, France. Elle était institutrice et au lycée, on a rencontré ces mots dans nos dîners. Écrivez maison, justice et liberté, espérance, le mot France. Il y avait aussi plus tard, je l'ai appris, et révolution et passion et violence, et misère et flamme et guerre et drame et France. C'était les rivières et les montagnes bleues, c'était les clairières et les enfants heureux, des châteaux, des blés, des champs, des roses, tant de choses en France. Le temps s'est enfui, mais je le sais depuis. Il suffit d'être loin ou seulement d'être seul pour avoir le cœur serré quand on entend le mot France, le mot France, France. Terminaremos este viaje por la obra de Jean-Louis Dabadie con una canción que se llama precisamente El viaje, Le voyage, que ha escrito para Enrico Macias. Canción nostálgica de un hombre que nunca pudo volver al país que le vio nacer cuando era colonia francesa, Argelia, y que tuvo que abandonar con su familia por ser judío después del asesinato de su suegro por los rebeldes. Casi estuvo a punto de volver en un viaje presidencial, pero incluso 40 años después las autoridades les denegaron esa vuelta. Me quedo fiel y cuando le hacen daño, todo mi cuerpo sufre. Es tan bella mi ciudad, Tanto soñé con este viaje, me prohibieron el pasaje. Yo que solo tenía en mi equipaje una memoria y unas imágenes. Me esperaba, lo sé, unos locos me lo han impedido. Había soñado con volver a encontrar lo que sencillamente quise. Escuchemos Le Voyage, cantado por Enrico Macias, del año 2003. Si nous nous sommes tant aimés et que nous sommes séparés, non, ce n'est pas que je peux me passer d'elle. Je suis resté fidèle. Et quand on lui fait du mal, c'est tout mon corps qui a mal. C'est tout mon cœur qui se tord, elle est si belle. Je suis resté fidèle. J'ai tant rêvé de ce voyage. On m'a défendu le passage. Moi qui n'avais dans mes bagages qu'une mémoire et des images. Elle m'attendait, je le sais. C'est un parfum que je connais. Et la couleur de ce ciel au-dessus d'elle, la douleur sur le miel. La fête n'était pas secrète, et oubliant les souffrances, les mains des femmes préparaient comme dans l'enfance le repas sur les flammes. J'ai tant rêvé de ce voyage. Des fous m'ont barré le passage. J'avais rêvé de retrouver celle que j'ai simplement aimée. Les matins, lorsque nos mains se rassemblent, les beaux chagrins, quand on est tout seul ensemble, la douleur sous le miel. Bien, podéis volver a escuchar este programa y todos los demás en la página web de Radiopolis, radiopolisradio.blogspot.com. En iVoox podéis descargarlo y también en Facebook, la chanson Radiopolis. Hasta el mes que viene. Dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la. La, la, la, la, la, la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. chansons qui rendent gay, qui rendent triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.